Quand il fut rentré dans son appartement, Jean s'affaissa sur un divan, car les chagrins et les soucis, qui donnaient à son frère des envies de courir et de fuir comme une bête chassée, agissant diversement sur sa nature somnolente, lui cassaient les jambes et les bras. Quand son âme enfin se fut calmée, quand sa pensée se fut éclaircie, ainsi qu'une eau battue remuée, il envisagea la situation qu'on venait de lui révéler. S'il eût appris, de toute autre manière, le secret de sa naissance, il se serait assurément indigné et aurait ressenti un profond chagrin. Mais, après sa querelle avec son frère, après cette délation violente et brutale, ébranlant ses nerfs, l'émotion poignante de la confession de sa mère le laissa sans énergie pour se révolter. Le choc reçu par sa sensibilité avait été assez fort pour emporter, dans un irrésistible attendrissement, tous les préjugés et toutes les saines susceptibilités de la morale naturelle. D'ailleurs, il n'était pas un homme de résistance. Il n'aimait lutter contre personne, et encore moins contre lui-même. Il se résigna donc, et, par un penchant instinctif, par un amour inné du repos, de la vie douce et tranquille, il s'inquiéta aussitôt des perturbations qui allaient surgir autour de lui et l'atteindre du même coup. Il les pressentait inévitables, et pour les écarter, il se décida à des efforts surhumains d'énergie et d'activité. Il fallait que tout de suite, dès le lendemain, la difficulté fût tranchée, car il y avait aussi par instant ce besoin impérieux des solutions immédiates qui constituent toute la force des faibles, incapables de vouloir longtemps. Son esprit d'avocat, habitué d'ailleurs à démêler et à étudier les situations compliquées, les questions d'ordre intime dans les familles troublées, découvrit immédiatement toutes les conséquences prochaines de l'état d'âme de son frère. Malgré lui, il en envisageait les suites à un point de vue presque professionnel, comme s'il eût réglé les relations futures de clients après une catastrophe d'ordre moral. Certes, un contact continu avec Pierre lui devenait impossible. Il éviterait facilement en restant chez lui. Mais il est encore inadmissible que leur mère continue à demeurer sous le même toit que son fils aîné. Et longtemps, il médita, immobile sur les coussins, imaginant et rejetant des combinaisons sans trouver rien qui pût le satisfaire. Mais une idée soudain l'assaillit. Cette fortune qu'il avait reçue, un honnête homme, la garderait-il ?